D'après le journal sud-coréen Kyungyang Shinmun, les représentants du comité de mesures conjoint des syndicats du secteur public, de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et de la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont tenu le 5 courant à Séoul une conférence de presse et déclaré qu'ils entreront à partir de la fin de septembre en grève générale de la plus grande envergure contre la politique des autorités hostiles aux ouvriers. Par ailleurs, le même jour, une presse sud-coréenne a présenté un écrit du professeur Park Sang-gi du doctorat de droit de l'université Yonsei contre l'arbitraire de la gouvernante.